Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Yvonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups Humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Vieillesse et dépendance, la vie sous contrainte. Une série de Jérôme Sandlars réalisée par Anne Fleury. Au départ de cette série, il y a le confinement et le Covid qui ont obligé les regards à se tourner vers les EHPAD, ceux qui y travaillent, mais surtout ceux qui y résident, pour mieux rêver des structures où l'on pourrait doucement vieillir et perdre la tête. Alors pour commencer, les personnages. Une dame qui tricote, un homme qui dérive, une architecte qui décrit, une urbaniste sur le terrain, une mère et sa fille, une psychologue délicate, des animateurs aux petits soins, une femme qui pleure et deux coiffeuses heureuses. Ensuite, le décor. Comme un village, des baies vitrées, une épicerie, des arbres, les landes, des ânes, un wagon, un potager et une ferme. Aujourd'hui, 4e épisode, on va faire un tour. Alors le matin, quand j'ai déjeuné, fait ma toilette, fait mon lit, tout, je prends mon tricot et je m'en vais le long, là-bas. Je commence par regarder mes deux petits chevaux, deux petits poneys, un gris et un blanc. Et après, je vais jusqu'à sur la place. Un village Alzheimer. Et là, c'est incroyable ce que les gens, messieurs, dames, sont d'une gentillesse incroyable. Quand j'arrive, on me crie « Daniel, Daniel !» Et alors, c'est un gâteau là, c'est un petit chocolat là. Même sans me donner quoi que ce soit, ils sont... Oui. Bonjour. Ce monsieur est très gentil. Tout le monde est gentil ici, quand il dit. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Comment se passe le quotidien ici pour très vous? Très bien. On fait avec, hein. Le tout, c'est de ne pas trop dériver. Vous savez, c'est dériver. Moi, j'étais capitaine de marine marchande. Donc la dérive, c'est sur un bateau. On essaie de se contenir et puis de se réguler un peu nous-mêmes. Voilà. Avec l'assistance des gens, des voisins et des amis. Comment vous avez choisi de venir ici, Jacques? Dans les candidats. Quand on se sent pas très bien, quand on a besoin d'être protégé par des gens sérieux, on demande. Alors, puis moi j'habite K2. J'habite Pessac-Alouette, je suis pas très loin. Qu'est-ce qu'il évoque pour vous le mot Alzheimer, Geneviève? Apparemment, il nous manque quelque chose dans le cerveau, quoi. On nous dit, c'est ce qu'on nous dit, quoi. Et vous pensez qu'il vous manque quelque chose dans le cerveau? Je vais pas me changer de trottoir sans regarder si les voitures passent, quand même. Daniel, Jacques, Geneviève font partie des 120 habitants du village landais Alzheimer. Le pari de cette expérience, inédite en France, offrir aux malades un cadre rassurant et ouvert sur l'extérieur, une manière plus humaine de vivre la maladie. Les moyens mis en œuvre, beaucoup de liens sociaux, des effectifs doublés et aucune blouse blanche. Ici, tout est fait pour ne pas souligner la maladie. Initié par Henri Emmanuelli, ancien ministre et député du département, cet EHPAD nouvelle génération s'inspire d'un modèle qui a déjà fait ses preuves aux Pays-Bas. C'est l'architecte Nathalie Grégoire qui ouvre la marche. Donc on est ici sur la place du village, qui est la place principale. Donc on est vraiment sur un programme où on avait une demande du maître d'ouvrage, c'était un village landais. Donc la place, c'est vraiment une place landaise avec une place carrée qui est fermée par le bâtiment, avec des grandes arcades en béton et des matériaux comme le bois, la tuile, qui sont des matériaux typiques de la région. Et pas très haut. Et pas très haut, voilà. Donc on est dans les Landes, on a de l'espace. Les bâtiments ici sont très, très étalés, pas très haut, effectivement. Devant nous, un terrain de pétanque, une fontaine. Un petit espace de jeu pour les enfants, quelques arbres, voilà. Et la place donne surtout les services accessibles aux résidents. Un restaurant, une médiathèque, une supérette, un salon de beauté et un pôle médical. Et on a également un auditorium. L'auditorium et la médiathèque est en plus côté entrée et parking du village et accessible aussi par les Dacquois qui pourront venir, une fois que la période Covid sera derrière nous, qui pourront venir au village. Donc c'est un lieu qui est ouvert sur l'extérieur? C'est un lieu qui est ouvert sur l'extérieur, oui, tout à fait. Le but, c'est qu'il y ait de la vie dans ce village, que ça ne soit pas un vase clos fermé qu'avec les villageois, comme on les appelle ici. Alors au total, c'est 120 villageois, c'est ça? Actuellement, il y en a environ 90. C'est ça. parce que le lieu ne tourne pas encore à plein régime. Exactement. À cause du Covid ou de la Covid. Et puis, ce qui frappe tout de suite le regard, c'est qu'il y a beaucoup d'espaces vitrés. Pour quelle raison, Nathalie Grégoire ? Alors, effectivement, là, on est face au restaurant qui, lui, est complètement vitré, donc qui nous permet de voir à travers l'espace boisé central du village, qui est un espace où, en fait, on a trois petites mares et on avait tout un espace boisé existant et qu'on a préservé et qui permet d'avoir un petit peu un havre de paix au milieu du village. Ce village Alzheimer, il fait quelle superficie au total ? Alors, on est sur une parcelle de 5000 m² et on a 10 000 m² de bâtiments. Tout en rez-de-chaussée, on a uniquement une seule partie sur la Bastide, là où on se trouve en étage. Et dans les étages, on a uniquement l'administration, l'espace recherche, ressources et recherches, et 10 studios qui sont dédiés aux personnes qui viendraient rendre visite ou à des stagiaires qui viendraient sur des petites périodes courtes. Il est maintenant 11h du matin et on commence à sentir une certaine agitation sur la place principale. Et Mathilde Charon-Burnel, la chargée de communication du conseil départemental landais, nous a rejoint. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'ils font tous ces gens ? On est devant l'épicerie. On a les villageois qui viennent avec les maîtres et les maîtresses de maison pour faire les petites courses complémentaires à la vie de la maisonnée. On a une cuisine centrale avec des cuisiniers qui fabriquent vraiment les repas. Les gens mangent chez eux la plupart du temps, sauf quand ils reçoivent du monde, ils viennent au restaurant pour manger avec leur famille. Mais sinon, l'épicerie sert à compléter un petit peu le repas, soit par le dessert, des fruits et légumes, des yaourts. L'idée, c'est de pouvoir faire cet acte de faire ses courses, ça fait partie de la vie. Mais aussi, c'est toujours un exercice de simulation, d'aider les gens à pouvoir utiliser leur capacité au maximum. Donc, en l'occurrence, est-ce que la personne fait la liste avec les personnes de la maisonnée? Est-ce que quand elle arrive ici, se souvient-elle qu'elle a sa liste? Se souvient-elle qu'elle a les produits sans regarder la liste? Et c'est aussi un lieu de sociabilité avec des gens qui s'arrêtent pour boire un verre, manger un petit morceau. C'est vraiment un temps fort de la vie quotidienne des villageois. Alors, il nous faudrait, s'il vous plaît, pastèque. On va peut-être mettre la pastèque parce que c'est un peu lourd. Hein. Alors, il y a des dames qui sont en train de faire la queue avec leur cabas. Alors, du lait. Du lait 2 litres, 2 voire 3, parce que je vais prendre les pruneaux pour faire le dessert. Alors, des toutes petites niches sur le côté, il y a des pelotes de laine de toutes les couleurs, des rouleaux de fil, donc de quoi tricoter, coudre, et puis des paquets de couches, et à côté des produits de première nécessité, biscottes, pâtes, et j'en passe. Des biscottes, est-ce qu'il vous faut des petites, un paquet de couches ou des petites cartouches? Nathalie Grégoire, vous êtes architecte. Oui. Comment est-ce qu'on conçoit un lieu propice à la maladie d'Alzheimer et à la sérénité qu'elle réclame, ou à l'apaisement auquel pourrait prétendre des malades d'Alzheimer? Alors l'idée, c'était de créer un environnement. On peut attendre que l'hélico passe. Justement, il y a un hélicoptère qui passe, c'est pas si calme que ça. On est dans une zone de passage d'hélicoptère. Donc oui, l'idée, c'était de créer un environnement familier. On a essayé vraiment de rester sur le « comme à la maison », donc pas les désorienter, qui soient déménagés dans un endroit où ils se sentent tout de suite bien et à l'aise. Après, bon, il y a tout le fonctionnement du village qui fait qu'il n'y a pas de blouse blanche, etc. Mais nous, dans le bâtiment, on a essayé de recréer des maisons landaises. Donc les maisons sont là aussi en tuiles. On a des façades en enduit, un peu de bardage bois. Et oui, le bois participe aussi à avoir quelque chose d'apaisant. On n'a quasiment pas de clôture visible. Disons que le résident est contraint dans l'espace intérieur du village, mais il n'y a pas de clôture haute de 2 mètres visible depuis l'intérieur. C'est le bâti qui fait l'enveloppe extérieure. Pas que ça ressemble à une prison, quoi. C'est ça. Voilà, donc on traverse la place du village et on arrive tout de suite sur un espace très boisé. On a la chance d'avoir des grands arbres, ce qui est rare sur un projet neuf. Là, le fait d'avoir cet espace naturel qui a été préservé, on a vraiment construit autour, puisque une fois qu'on a traversé cette place, on a les 4 quartiers, donc chaque quartier a 4 maisons, qui se développent autour de cet espace central. avec des cheminements piétonniers. Oh, c'est incroyable parce qu'on aperçoit des ânes. On voit, c'est ça, il y a deux ânes. En fait, sur la partie un peu plus à l'extérieur du village, on a une ferme qui est accessible aussi aux résidents, mais accompagnés, et des animaux. Oui, voilà, on n'est pas du tout dans un. Enfin, on se sent pas du tout dans un milieu hospitalier. Là, on est plus dans une ambiance petit village vacances. C'est très différent de la construction d'un hôpital, ouais, ou d'un EHPAD. Et alors là, on aperçoit une fenêtre qui est ouverte avec un jeune homme qui a le masque sur son visage et qui est en train de coiffer, je pense, une villageoise. Une villageoise, c'est ça, qui est dans sa chambre et elle peut profiter de l'extérieur. Ah, ça vous plaît ? Il est galant. Tiffaine Chaton, vous êtes urbaniste de formation, rattachée au conseil départemental des Landes en tant que chef de projet. Alors, à quoi ça correspondait d'être... J'étais chargée de la coordination du village landais Alzheimer, donc depuis la phase de programmation en 2015, jusqu'à l'arrivée des équipes de direction en 2019. Alors ça consiste à, bien entendu, s'occuper des aspects logistiques, administratifs, mais aussi développer les partenariats, donc que ce soit en termes de recherche de financement, de partenariats avec la recherche scientifique, la création d'un conseil éthique, mais également développer la coopération européenne pour aller voir ailleurs ce qu'on peut trouver comme expérience similaire ou se rapprochant. C'est un projet qui a coûté quand même 20 et quelques millions d'euros, millions, c'est oui, ça ? Oui, tout à fait. Voilà, donc on a eu d'autres financements, justement parce que c'était une expérimentation. Et ça a permis, en fait, finalement, de faire baisser, en définitive, le prix de journée pour... qui s'élève à 65 euros par jour. Voilà. Si j'ai bien compris, Nathalie Grégoire, vous êtes largement inspirée d'un modèle néerlandais donc qui existe à une vingtaine de kilomètres d'Amsterdam. Oui, donc ce village à Amsterdam, c'est dans un site très enclavé, en plein centre-ville. Et puis ça correspond aussi aux Pays-Bas où les vis-à-vis ne sont pas gênants. Enfin voilà, il y a aussi un aspect culturel qui est complètement différent. Et donc on est sur une parcelle très enclavée avec des petits patios. Donc c'est vrai qu'en surface, le projet des Pays-Bas est beaucoup plus compact. C'est vrai qu'ici, on est très étalé. Et c'est une question qu'on s'est posée aussi avec l'ergonome, justement, de se dire comment vont faire les soignants avec toute cette surface pour pouvoir surveiller tous les villageois. Et puis finalement, avec la directrice et voilà, toute l'équipe médicale, tout est mis en place. Et puis l'architecture aussi permet de faciliter cette surveillance. Alors là, on se dirige vers le quartier Hautland. C'est ça. Donc on rentre dans. Donc on a la place centrale du village. Et après, on rentre donc dans chaque quartier, ces quatre maisonnées. 300 mètres carrés par maisonnée, c'est ça ? C'est ça, à peu près, même un peu plus, 300, 350, ouais. Sur des maisonnées de 7 à 8 résidents. Et puis ici, dans ce quartier Hautland, on a la particularité d'avoir une petite maison qui est celle-ci, qui est plus petite, qui est de l'accueil de jour, qui doit pouvoir accueillir jusqu'à 12 personnes, mais uniquement sur la journée. Les résidents ne restent pas dormir. Donc c'est pour alléger un petit peu les aidants. Sinon, toutes les autres maisons, c'est 7 à 8 résidents. On a les espaces communs qui donnent sur l'intérieur, les espaces plus privatifs de la chambre qui donnent sur l'arrière de la maison. On respecte l'intimité des résidents. Voilà, ils ont chacun leur chambre avec leur salle de bain. Et ce sont des chambres qui font quelle superficie ? Comment ça ? 23 mètres carrés, je crois, avec la salle d'eau. Donc, c'est quand même des chambres assez spacieuses. Et côté intérieur, en fait, elles donnent toutes... On recrée dans chaque quartier une petite placette sur laquelle donnent les espaces communs, la cuisine, la salle à manger. Donc, vous voyez, chaque maisonnée a l'extérieur du mobilier qui permet de prendre les repas à l'extérieur ou de se poser pour un café ou ce qu'on veut comme activité. Et la maîtresse de maison, depuis les pièces communes, a une visibilité sur l'ensemble de la maisonnée. Elle voit toutes les pièces communes. Si un résident sort de sa chambre, elle va rapidement le voir aussi. Donc ça permet de faciliter la surveillance. Donc il y a en fait l'architecture de la maison, l'architecture après du quartier et l'architecture du village. Tout se complète. A le même fonctionnement à différentes échelles en fait. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer ? Un gâteau. Madeleine a pratiquement tout fait. Un gâteau à quoi ? Au yaourt. Et là, on en a pour une demi-heure. C'est quoi votre prénom ? Alors moi, je m'appelle vous êtes Pascal. Vous êtes la maîtresse de maison de cette maisonnée, voilà, de la 14. Voilà, je suis une des maîtresses, voilà, nous sommes deux. Voilà. C'est quoi le rôle d'une maîtresse de maison ? On les accompagne toute la journée. On se tient à la fois proche d'eux et à la fois à l'écart. Ça va, Michel ? Non, parce qu'on a pas vu nos enfants. Vous voulez qu'on aille voir si tout va bien ? Oui. Bon, je finis là et puis on va aller tout de suite voir ça. Comment s'organise le quotidien ici dans une maisonnée, Sandra ? Alors, la journée, donc moi, on est deux. Il y en a une qui arrive à 8h moins le quart et l'autre à 9h. Celle de 8h moins le quart prend le relais par rapport aux dames qui travaillent la nuit. Et elles vont aider à lever ceux qui sont déjà debout, donner des petits déjeuners. En fait, on s'adapte à leur rythme de vie. Donc ici, je sais que c'est une maisonnée où ils dorment assez longtemps. Les premiers se sont levés à 9h, les autres à 10h, et une dame qui s'est levée à 11h. Donc on respecte leur rythme de vie. C'est pas eux qui s'adaptent au lieu, c'est nous qui nous adaptons à eux. Puis après, ben voilà, des activités que soit les animateurs font. Nous aussi, on est amenés à faire des activités. Donc tout à l'heure, j'ai fait un atelier journal, en fait. On a lu le journal ensemble, les nouvelles du jour. Il y a deux personnes qui ont lu d'elles-mêmes, et puis on commente ce qu'on lit, quoi. Voilà. Deux villageoises qui sont en train de faire la vaisselle derrière nous. Voilà, elles sont en train de ranger. Je n'ai pas eu à leur demander. Vous voyez, d'elles-mêmes, elles ont pris la vaisselle qui restait dehors, la vaisselle du goûter. Elles sont en train de l'essuyer. Et c'est bien gentil, Madame Jobard. Merci beaucoup de faire la vaisselle. Et la nuit, après, il y a un relais aussi ? Donc la nuit, elles sont deux maîtresses de maison pour tout le quartier. Voilà, elles ont le téléphone qui leur avertit quelle chambre est allumée, quelle porte est ouverte. Donc on sait à tout moment qui a besoin d'être aidé. Ce n'est pas forcément la nuit dans la maison. Alors Louis, voyons, vous voulez que je vous aide, Louis ? Voilà, on va l'enlever. Voilà. Ça y est, voilà, très bien. Vous êtes très beau comme ça, Louis. Mais s'il veut marcher, ben on va aller marcher. Hein ? Allez-y, voilà. Qu'est-ce que vous cherchez, Louis ? Ben moi, je cherche la chambre de Louis. Ah, vous êtes pas loin. Ah, voilà. Qu'est-ce que vous avez là dans la niche ? C'est à vous, ça, Louis ? Pour qu'ils puissent se repérer dans les chambres, ils ont des photographies ou des objets qui leur appartiennent, qui peuvent leur permettre de s'orienter aussi dans l'espace. Ils ont des petites niches. Là, ils ont des petites niches, voilà, c'est ça. Et ensuite, dans la salle à manger, donc il y a des meubles, anciens meubles qui ont été récupérés, souvent des Emmaüs ou des dons. Et ça leur permet de se rappeler qu'ils avaient à peu près la même chose chez eux. On va y aller après, lui, se promener, tous les deux. D'accord ? Mais quand tu auras Pascal, d'accord ? Vous voulez vous asseoir en attendant un petit peu ? Nathalie Bonnet, vous êtes la psychologue du village landais Alzheimer. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour entrer en contact avec ces villageois et villageoises, puisque vous ne parlez pas de patients ou de résidents ici, lorsque le langage fait défaut ? Il y a un travail d'observation, d'abord de la personne, avant de rentrer en communication avec elle, afin déjà d'interpréter l'ensemble de la communication non verbale. Tous les gestes qui peuvent être compris par beaucoup de monde en l'absence de mots, des symboles basiques, de tendre la main pour dire bonjour ou d'agiter la main pour attirer l'attention. Et de fil en aiguille, en connaissant et en observant la personne et en le regardant vivre, on arrive de plus en plus à saisir ses besoins, ses envies, ses petits gestes qui font que monsieur ou madame ne peut pas dire qu'elle a besoin d'aller aux toilettes, mais si elle commence à tourner sur elle-même, à s'agiter un petit peu, à se frotter la hanche ou le ventre, nous donne en fait une forme de petits signes qu'on arrive vraiment à individualiser totalement. C'est pas non plus des gens qui sont indifférents au monde. Ils ont une mémoire émotionnelle très forte. Ce sont, on dit souvent, des éponges émotionnelles aussi, parce que voilà, le mot faisant défaut, ils sont aussi dans la communication non verbale et absorbent beaucoup de choses, d'inquiétudes, d'angoisses des autres. Et c'est là justement où il faut être très vigilant, parce que quelqu'un qui ne peut pas verbaliser son mal-être, il faut quand même arriver à trouver des temps où il peut nous redonner leurs sensations et tout ce qui se passe en eux. Pour ma part, en tant que psychologue, rentrer dans une forme de communication thérapeutique avec eux, il est évident que c'est très compliqué et que nous sommes plutôt dans une forme d'apaisement. Donc ça peut être tout simplement se tenir la main dans un endroit calme. Moi, j'aime beaucoup aussi l'apaisement par des contes, des poésies, des photos qui sont là, où je pose des questions simples et où la personne peut simplement répondre avec un oui ou un non ou montrer du doigt. Oh, rien, des bêtises. Il s'amuse. Maman, elle est ravie de les entendre, en tous les cas, les petits. Ah oui, ça, moi j'aime les enfants, alors. Vous êtes venu rendre visite à votre maman ? Oui, tout à fait. Alors, comment vous appelez toutes les deux ? Alors, maman s'appelle Colette, et moi je m'appelle Brigitte. Et mon mari, Bernard. Vous êtes arrivée à l'ouverture au mois de juin ? Oui, c'était le premier jour. Le 11 juin, le premier jour. Ce jour-là ? Ah, c'était un jour particulier, un jour émouvant, un jour... Mais bon, ça s'est bien passé, c'était un jour de découverte. Je ne pensais pas du tout que j'allais y rester. Je venais voir. Ça fait un moment que je suis là quand même. Oui, depuis le 11 juin, ça fait deux mois, l'été. Voilà. Deux mois, ben dis donc, ça fait beaucoup, oui. Oh, je vais pouvoir rentrer chez moi quand même maintenant. Pas tout de suite en tous les cas, on a dit. Pourquoi ? Mais parce que pour l'instant, pour vivre toute seule, c'est compliqué chez toi. Tu sais pourquoi tu es ici ? Pas trop. Pour soigner quoi ? Je sais plus. La tête. Non, oh, la mémoire. La mémoire, mais oh, elle ne reviendra pas, tu parles. Elle ne reviendra pas, mais on sait qu'il y a quand même des soins qui permettent... Oui, mais je suis... Déjà qu'elle diminue encore plus. Et puis, c'est quand même, on te l'a expliqué, ça, un lieu où ils font de la recherche et mais que voilà. C'est important aussi pour nous, pour nos enfants et pour les gens. Donc, je suis quand même obligée de rester ici. Pour l'instant, oui. Pas non, mais non, chez moi. Mais non, pour l'instant, non, ça. Maman. On n'est pas trop mal ici. Mais non, c'est pas qu'on est soit mal. Non, non, pas du tout, mais bon. Chez soi, c'est chez soi. Quand je suis partie en pension, ça a été épouvantable aussi pour faire mes études. Et il fallait que je parte. Après la troisième, en seconde, il fallait rentrer à l'internat. Je n'avais jamais été interne, ça a été dur. Et alors pour moi, c'est ça qui revient aussi. Je ne sais pas, il me semble que j'aurais pu rester à la maison. Voilà. Bah, si tu avais un peu plus de mémoire. De mémoire, je serais peut-être restée toute seule. Mais tant que tu en as eu suffisamment, tu es restée toute seule. Parce que bon, maman, elle a quand même 88 ans. Donc, rester à son domicile, 88. Oh, je crois pas que... Oui, voilà. Et c'est quand même déjà très, très bien d'avoir pu rester jusqu'à 88 ans toute seule. Oui. Donc... Ouais, mais ce qui était surtout dangereux pour moi, c'est que j'aimais faire la cuisine. Et là, alors, oui... De l'huile chaude, de tout le bazar. C'est ça, quoi, j'oubliais. Vous auriez pu laisser le feu... Oh, je pense, hein. Elle l'a fait. Je l'ai fait, oui. Donc, c'était compliqué, on n'était pas tranquille, en fait. Nous, en vacances, quand on s'éloignait du village, maman allait dans un EHPAD temporaire, où notre fils qui habite à Luxeuil s'occupait d'elle. Mais bon, voilà, et c'était tout le temps, il fallait vraiment tout calculer. On ne pouvait pas partir pour une journée comme ça sans être inquiet. Donc ça, maman, elle l'a bien compris. Tu nous le disais. Oui, tu nous disais, ça, je comprends, il faut que je sois raisonnable. Ah, ben, y a des voisines de la maison qui sont arrivées. Oui, c'est l'heure du goûter. Moment important de la journée. Et franchement, quand on est parti de Luxeuil, nous on habitait, comment vous dire, il y avait la rue, donc elle habitait là et nous là. Il lui fallait presque une demi-heure pour venir chez nous avec sa canne, elle arrivait pratiquement plus à marcher. Au bout de 15 jours ici, elle va à l'épicerie deux fois par jour. Quoi. C'est étonnant, étonnant. Comment vous occupez vos journées ici, Colette ? Alors ça c'est difficile, je ne sais pas. Je me lève, je déjeune, certainement, puis après on s'habille, on se fait la toilette, on fait ça. Je fais mon lit, je pense, je ne m'en rappelle même pas. Je suppose. C'est un enchaînement, quoi. Ça marche tout seul. On me dit, il faut faire ça. Oui, ben voilà, on fait. Et puis, on est plusieurs filles, plusieurs femmes, quoi. Une fille, je dis, plusieurs femmes. Alors, on bavarde. Et puis, s'il y en a une qui va faire des commissions, on lui donne, ah, mais tu me ramèneras ça. Et puis, on s'entend bien. On s'entend très bien. Puis, l'après-midi, on se repose. Et puis, après, on fait une promenade. Ou, peu importe, on chante. Des fois, ça dépend des jours. Ça a l'air bien bon. Ça, pour vous réveiller, il n'y a rien de tel. Vous avez besoin d'aide ? Non. Vous connaissiez, Pascal, la maladie d'Alzheimer ou oui. Vous l'avez découverte ici ? Non, pas du tout. Je connaissais ça bien avant. Oui. C'est-à-dire ? À domicile. C'est là où on commence à découvrir les symptômes, hein, des choses très banales qu'on entend toujours. La femme ou le mari se plaint car ça a disparu, j'ai retrouvé des choses qui ne devraient pas être à leur place. Donc voilà, ce sont des signes d'alerte que l'on trouve à domicile. Les aides à domicile sont souvent les premières aussi à faire remonter ça aux familles. J'imagine que c'est pas évident pour vous de passer des journées entières avec des malades d'Alzheimer qui oublient tout. C'est épuisant. Mais c'est un plaisir quand on est formé à différentes techniques et quand on est très patient. Sincèrement, c'est un plaisir de professionnel de voir qu'on arrive à calmer quelqu'un ou de rassurer. Ça passe par quoi alors concrètement ? C'est savoir observer déjà. S'adapter avec eux dans leur histoire du moment, c'est-à-dire qu'ils peuvent être dans le passé, ils peuvent être, voilà, et essayer, connaissant leur vie personnelle, on essaye de relater, de les ramener petit à petit à l'état présent, au moment présent. Voilà. Nous sommes quand même dans un fonctionnement qu'il faut appréhender. Du moins de mon point de vue de psychologue, hein, peut-être qu'il ne sera pas partagé par tout le monde, mais nous sommes au confluent d'un travail type établissement, entrecroisé en fait d'un fonctionnement type domicile. Et pour ma part, j'apprends tous les jours à naviguer, à travailler, à me positionner entre ces deux types de fonctionnement. Moi, je n'ai connu que l'EHPAD, pour autant j'ai plein de collègues qui viennent du domicile. Et c'est là où nous apprenons à nous connaître et à trouver justement nos zones de confort ensemble. Prendre en charge des malades d'Alzheimer, on imagine que c'est très fatigant quand on vous écoute, Nathalie Bonnet. Est-ce que vous êtes amenée aussi à recevoir le personnel soignant, les maîtresses de maison, on en a parlé, les infirmières, les aides-soignantes, enfin toutes ces personnes qui sont au contact des malades? Est-ce que vous les recevez aussi en tant que psychologue pour qu'ils puissent un peu vider leur sac, si je puis dire? Nous échangeons. Alors, nous n'avons pas encore mis en place d'analyse de pratique, parce que nous n'avons que 2 mois de fonctionnement. Mais pour autant, je dois dire que nous avons cette forme de travail ponctuellement dans les maisons. Lorsque des troubles de comportement ont été un peu lourds à encadrer sur la journée et qu'elle m'appelle en disant « Écoute Nathalie, viens nous voir parce que là, on ne sait plus comment faire ou on a été mis en difficulté et on aimerait avoir ton avis. » Et ça nous permet quand même d'échanger pas mal sur leurs pratiques. Par exemple, souvent entre 16h et 17h, mais ça beaucoup de mes collègues le savent, il y a une forme d'angoisse qui se met en place et la personne va répéter inlassablement « je dois rentrer chez moi, je dois rentrer chez moi ». Et là, pendant peut-être 1h30, tous les jours, jusqu'au moment du repas ou d'une autre activité, la personne va nous répéter et si 7-8 personnes dans la même maison se mettent à répéter « bon alors là, il faut que je rentre » parce que c'est souvent contagieux en plus, mes collègues en effet peuvent être dépassés par cette situation-là, et c'est tout l'art justement de nos professionnels à pouvoir engager en support les personnes extérieures aux maisons, comme l'ergothérapeute, le psychomotricien, et à justement détourner un petit peu l'attention des villageois et les aider à être moins angoissés. Dans la médiathèque, Nathalie Bonnet, on a pu apercevoir quelque chose qui ressemble à un wagon de train. Alors monté de toutes pièces, hein, évidemment, c'est pas un vrai wagon de train. À quoi sert-il ? Alors les Italiens, les gériatres italiens ont eu cette idée et ont concrétisé, l'ont validé, que la personne qui, justement, par rapport à ses troubles, souvent vers 16h, 17h, de vouloir entrer chez eux, ont inventé un wagon qui permet à la personne, aux villageois, aux résidents chez eux, de rentrer dans ce wagon et d'être emmené dans un voyage. Un voyage en train. C'est un espace clos, exactement comme un wagon. Vous avez deux banquettes avec une petite table au milieu. La fenêtre est remplacée par une télévision, donc vous avez un paysage qui défile. Et là, en fait, la personne est toujours accompagnée par une personne qui sait faire de l'écoute. Et on entame un travail thérapeutique sur les besoins, justement, de s'échapper, de partir. Et on libère la parole. À présent, on est au centre du village Alzheimer landais. On a rejoint Nathalie Grégoire, l'architecte, et on s'apprête à monter sur une passerelle qui surplombe des plans d'eau. On a un peu hésité sur cette passerelle pour des raisons de sécurité. Elle permet de rejoindre les quartiers sans avoir à faire tout le tour de cet espace central. Mais disons que ça posait des problèmes de sécurité aussi, puisqu'il ne fallait pas risquer qu'un résident passe par-dessus. Parce que ce qu'on nous a beaucoup dit, c'est que les clôtures, même 1m80, un jeune villageois Alzheimer peut être tout à fait apte à escalader. Donc on trouvait quand même ça dommage de ne pas la faire. Donc finalement, on l'a faite avec cette barrière qui est un petit peu plus haute que d'habitude, quoi. Donc on a essayé de la faire la plus fine possible pour permettre une transparence. Donc c'est une petite grille en baraudage en acier gris foncé avec des barreaux assez fins qui permet quand même au regard de traverser et de voir la végétation et les mares. Et puis sur le côté pratique, ça permet au personnel mais aussi aux résidents de se promener. Et puis sur le centre de la passerelle, on a un petit banc qui permet de se poser aussi. Alors c'est très agréable, c'est très vert, c'est très boisé. Voilà, on a l'eau sous les yeux, les grands arbres qui nous font de l'ombre. Et puis derrière, on voit nos petites maisons. Et on peut imaginer peut-être qu'il y aura des canards qui viendront s'installer. Ou des couples de villageois qui se formeront, parce que c'est très couples. Romantique. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Pourquoi pas. Donc on est côté est. Et derrière les quartiers, on a toute une zone potager, verger et une petite ferme. Donc qui ne sont pas accessibles directement aux résidents, mais qui peuvent l'être avec un accompagnement. Donc on peut imaginer qu'il y ait des activités de jardinage, voilà, ou d'aller ramasser les œufs des poules. Et l'idée aussi, alors bon, il faut que le village s'organise petit à petit, puis avec cette période sanitaire un peu particulière, c'est pas encore le cas, mais l'idée c'est qu'il y ait des scolaires, par exemple, qui puissent venir pour des activités de jardinage et pouvoir mêler villageois et scolaires. Ce qui est le cas aux Pays-Bas. Oui, en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir des activités, que le villageois ne soit pas seul dans sa maison et enfermé dans son village, quoi. Il faut qu'il y ait des interactions diverses. Alors, des petits panneaux sur notre droite. On se dirige en direction du potager, de la ferme. Là, on va aller rejoindre Florence, la responsable des bénévoles, au potager. Qu'est-ce que vous avez à la main ? C'est du marc de café. On récupère le marc de café pour l'amener au compost pour le jardin. J'assure la coordination du bénévolat et de l'équipe d'animation. Donc notre projet se met en œuvre. Il fait partie de l'objectif du village depuis le départ. C'était l'idée 120 villageois, 120 salariés, 120 bénévoles. Donc les bénévoles sont là non pas pour remplacer les salariés, hein, il ne s'agit pas du tout d'une main-d'œuvre à bon marché, mais il s'agit d'animer le village comme on anime un village dans nos communes rurales ou pas, le rugby, la chorale, le club de belote, etc. Donc les bénévoles, ils ont débuté le 23 juillet, ils ont été formés aux gestes d'hygiène par l'équipe mobile d'hygiène de l'hôpital de Mont-de-Marsan. Et précédemment, on a reçu une sensibilisation à la maladie et au rôle du bénévole pendant toute une journée. Alors là, il y a une dizaine de personnes face à nous. C'est le coin jardin. On a deux collègues de l'équipe d'animation qui sont salariés du village. Ensuite, on a des bénévoles qui viennent, certains pour l'activité jardin uniquement, d'autres qui vont venir pour la brasserie, l'épicerie ou d'activités physiques adaptées. Et donc on a des villageois qui sont là, dont une partie se rafraîchit et se restaure un petit peu, parce que c'est une activité physique. Et dont une qui est donc notre photographe du jour, une villageoise qui est là pour le reportage photo. Qui paraît toute jeune. Elle est toute jeune. Est-ce qu'il y a des bénévoles que vous avez refusés? Si oui, pour quelle raison? Pour l'instant, nous n'avons refusé aucun bénévole, mais il n'est pas exclu que nous le refusions et que nous le fassions. On peut avoir des questions de bonne distance, trop proche, trop loin. Il peut y avoir des problèmes de confidentialité, de discrétion, de l'attention parce que les gens sont inquiets. Donc j'essaye toujours d'avoir un petit œil là. D'ailleurs, si vous voulez bien, on va revenir pour accompagner. Mais ça pourrait arriver. On arrive. Chacun sa mission. Donc Frédéric, bénévole, et on va... Vous êtes voilà. À la retraite Oui, moi je suis gendarme à la retraite. Moi. J'étais, on ne va pas dire l'ancienne gendarmerie, mais le gendarme qui connaissait tout le monde, on connaissait les élus, on allait visiter les retraités. Là maintenant, ils ont, avec les tâches qui leur incombent, c'est compliqué. Donc ils n'ont pas trop le temps de vraiment faire leur travail, quoi, d'appropriation de la population, de discuter, etc. Parce qu'en fait, quand vous connaissez les gens, vous solutionnez déjà une majorité de problèmes. Moi, ce qui m'a motivé, si vous voulez, c'est pour l'aide des gens, tout simplement. Avant de débarquer ici au village Alzheimer, vous étiez déjà sensibilisé à la maladie ? Moi, j'avais eu des échos. Moi, ce qui m'interpellait dans cette maladie, justement, c'était une maladie qui ne pouvait pas se soigner. Et en fait, on n'avait pas du tout de démarche. On a une démarche thérapeutique qui est très légère. Donc, je pense que le mieux, c'est accompagner les gens. Simplement d'obéir à leurs désirs. Voilà. Alors, des fois, c'est très, très, très court. Hein. Le gars, il va prendre un livre à la médiathèque, il va vous l'ouvrir, il va repartir. Mais tant pis. Bon, il est venu, il a fait son petit tour, il a regardé, il est reparti. Voilà. Moi, je trouve que c'est ça l'intérêt de la démarche. Non, c'est pas possible, ça. C'est pas possible d'être comme ça. Qu'est-ce qui vous arrive ? Je suis toute seule. Il n'y a personne dans la maisonnée ? Mais non, il n'y a personne. Je sais quand même, ils y étaient jusqu'à maintenant. Alors, je ne peux pas rester au soleil, je ne peux pas rester debout. Alors, je vois là un peu ce qui m'arrive. Pourquoi vous êtes toute bouleversée comme ça ? Parce que tout d'un coup, j'avais toute la famille autour de moi, puis tout d'un coup, ils sont tous partis. Ça se rendant compte que moi... Alors, qu'est-ce que vous avez, un petit coup de blues ? Ça ne va pas du tout. Ah, ben oui, elle a eu sa famille, ils sont partis, alors. Oh. Vous comprenez, c'est le petit coup de... Un petit coup de blues. Voilà. Oui, ils sont venus manger avec elle à midi. Vous avez été manger avec votre famille, avec votre mari. Oui. À midi. Ah, vous voyez, c'était bien. Oui, mais alors après... Eh bien, voilà. Après, on a le contre-coup. C'est le contre-coup, ouais. Voilà. Oh là là. Hein? Je n'en peux plus. Ah. Je ne tiens plus debout, je ne sais plus... Eh bien, venez vous mettre au canapé un petit peu, juste le temps de récupérer. Mais je vais y aller, oui. Là. Ah, ben voilà. Allez, venez avec moi. Je vous accompagne. C'est là, l'entrée. Regardez, c'est un peu par là. Allez, vous mouchez un petit peu le nez. Voilà, comme ça, ça ne coupera pas. Chaque fois qu'ils viennent, chaque fois, ils me laissent... Alors on croise une dame avec un chapeau sur la tête, bras dessous avec, j'imagine, un professionnel, mais on ne peut pas les distinguer parce qu'elle n'a pas de blouse. Qu'est-ce que vous faites tous les deux ici ? Alors ici, je suis enseignant en activité physique adaptée. Et j'encadre aussi les bénévoles comme Nicole, qui aujourd'hui viennent pour faire marcher un petit peu les villageois. Voilà, donc il fait beau, on en profite et voilà. Dimitri, vous avez reçu une formation spécifique pour vous adresser à des malades d'Alzheimer, ou comment vous avez adapté votre pratique à ce type de population ? Alors c'est exactement ça, en fait, ma formation, elle est dirigée vers la maladie. Que ce soit la maladie chronique, les maladies neurodégénératives. Voilà, on a les enseignants APA sont formés à la faculté des STAPS. C'est un nouveau métier, c'est un métier qui a 25 ans. Voilà, c'est un peu comme les ergots, les psychomotes qui sont arrivés il y a un peu plus longtemps de ça. Mais voilà, c'est un métier qui cherche à faire aussi sa place dans la prise en charge de publics spécifiques. Ce que j'ai pu observer, moi, ici, c'est que l'espace est immense. J'ai travaillé aussi un petit peu en EHPAD, donc dans des résidences plus cloisonnées. Et ce qui fait vraiment la différence pour moi, c'est que déjà j'ai énormément d'espace pour proposer des activités physiques. Le parc se prête, mais voilà, justement, rien qu'à la marche. Et puis après, plus spécifiquement sur la maladie, c'est que en fait chaque personne est différente, chaque personne est à un stade plus ou moins avancé. Donc moi, c'est vrai que je vais avoir une grande marge d'adaptation entre une personne mais qui est encore capable de faire un footing et des personnes avec qui on va être mais sur de la prévention de chute, maintien de l'équilibre, voilà, des choses, mais voilà, plus sur le maintien pur d'autonomie, quoi. Voilà, c'est aussi l'avantage du temps plein, c'est que je peux prendre le temps d'aller voir une personne dans sa chambre, de passer une demi-heure et puis initier des mouvements, trouver des astuces, utiliser du matériel varié, des ballons, des cerceaux, pour redonner mouvement à la personne. Et puis, voilà, le deuxième point, c'est que les bénévoles sont très présents aussi. Donc, sur une séance collective, je peux avoir un ou deux bénévoles qui vont accompagner une personne plus en difficulté cognitivement pour initier le mouvement et puis qu'elle rattache le wagon et qu'elle soit participante au même titre que d'autres personnes plus éveillées, on va dire. Voilà. Allez, on va se redresser. On se redresse. OK. On va essayer de respirer profondément, 2-3 fois. Donc j'inspire par le nez et je souffle, voilà, par la bouche. Ok, on va le faire 2-3 fois. Et je souffle. Parce que ça sent bon ici. Il y a le repas qui se prépare. Et je souffle. Comment vous avez fait le choix de venir ici au village Alzheimer hollandais, Geneviève ? C'est sous l'impulsion de votre fille ou... Oui, c'est plutôt ça. Et vous, alors ? Moi, je... Votre prénom, c'est ? Dorothée. Oui, Dorothée. Bah, en fait, j'avais connaissance moi, que le village ouvrait en début d'année. Avec mes frères, en fait, maman était seule à la maison. Donc, elle vivait dans l'Ain. Elle était seule. C'était difficile de faire les repas, d'être toute seule surtout. Donc, elle avait besoin de soutien. Il y avait des passages à la maison, en fait, à ce moment-là, mais c'était pas suffisant. Il y avait une infirmière qui passait une fois par jour, mais la vie sociale, elle en avait presque plus, parce qu'elle avait plus de véhicule aussi non plus pour par rapport à la maladie en fait. Hein, la voiture, on l'avait enlevée. C'était difficile. Et je savais qu'en fait cet établissement ouvrait et nous on était un petit peu dans une impasse avec mes deux frères, donc on est tous les trois sur le sujet, on va dire. On s'est retrouvé un peu dans une impasse avec ma maman qui s'est retrouvée seule puisque son mari est parti. Et c'est vrai que là, du coup, elle avait une petite baisse et quelques pertes de repères parfois, ou dans l'espace, ou dans le temps, des choses, des fois, qu'on se rappelait. Donc, on a cheminé, en fait, tout doucement avec le médecin généraliste. Et puis, le médecin généraliste nous a orientés vers un centre de dépistage, en fait, pour... Elle a fait des tests, elle a fait des scanners, des IRM, voilà, et toute une batterie qui sont venues confirmer, en fait, au fil des mois. Et le diagnostic a été fait en 6 mois à peu près, que c'était bien la maladie d'Alzheimer. Donc, maman l'entendait pas trop, hein. Toi tu voulais pas trop l'entendre, ça je pense que c'est difficile à intégrer. Elle faisait peur pendant une seconde. On avait peu de solutions devant nous, c'était rester à la maison, mais avec le peu d'aide qu'elle allait avoir, elle allait vraiment ressentir la solitude. Un appartement, on en avait parlé un petit peu avec les médecins, c'était aussi une nouvelle vie, se réadapter aussi à un nouvel environnement encore, aller faire les courses, aller, voilà. C'était aussi un petit peu compliqué à ce moment-là. Un EHPAD classique, et nous on la voyait pas, on la projetait pas du tout, du tout là-dedans, parce qu'elle est encore en pleine forme, jeune, dynamique. Je sais pas moi. Et moi, j'ai quel âge ? Je sais pas. Toi, t'as 71 ans. 71 ans. Non. Moi, je veux en avoir 39. Et en fait, on a eu connaissance du village landais. On a posé le dossier. C'est vrai que ça allait assez vite. Ça allait assez vite et ça a été l'occasion. Moi, je vis pas très loin d'ici. La famille est en Rhône-Alpes. Donc, on a posé le dossier dans l'espoir qu'elle puisse l'intégrer parce qu'on savait en fait très bien qu'il y avait un projet derrière d'autonomie. Qu'elle allait être soulagée de tout ce qui était matériel, c'est-à-dire organisation de la maison et compagnie, et c'est ça qui était compliqué, et elle avait plus qu'à penser à elle et prendre du temps pour elle. Alors, c'est pas forcément évident d'arriver ici. Hein. Mais là, ici, je me sens bien. Oui. Voilà. Mais bon, sinon, le matin, je pars avec l'herbe, dans l'herbe, avec les ânes. C'est bien, les ânes, on les a pas eus depuis longtemps. Et il y a des poules aussi. Mes grands-parents avaient des poules, des canards, et des vaches aussi. Hein, voilà. Après, mon papa était vétérinaire, donc j'aimais bien. Donc vous avez vécu dans la nature ? Oui. Et ça a été évident en fait qu'ici c'était un lieu de vie. C'était un lieu où elle peut encore être autonome, elle a son propre espace. Ils aident au repas, ils aident au linge, ils ont un quotidien, il y a de la vie. Ils font de la gym. Il est beau ton prof, hein, le gym. Oui, son sac à dos. Ah ouais. Vous pouvez venir avec vos enfants, avec un chien, enfin voilà, c'est ouvert. Quoi. Oui, aujourd'hui on est venu avec les deux enfants, ma nièce, le chien. Le chien, il est parti à la ferme. Mmh. On va voir les poules, on va voir les ânes, on a mangé là aussi sur place. C'est un moment où on se retrouve un petit peu, on se retrouve en famille, où on n'a vraiment pas la sensation d'être en institution. En tout cas, ça nous permet d'affronter sa maladie, qu'elle commence à accepter tout doucement. Et même si tu perds la mémoire de temps en temps, t'oublies des fois des choses. Bon, je fais plus de petits, je fais plus petit papier. Pas besoin. Parce qu'il y a pour les courses. On gère tout ici. Ben oui. On gère tout. Oui, mais ça nous permet la autre chose. Mm. Autre chose. Je lisais plus, par exemple, parce que bah, je faisais la poussière, les vitres et tout. Rien à faire. Bah, ça laisse, en fait, ça laisse la place dans ta tête et ça laisse place au présent. Bah, merci beaucoup. De rien. Merci Geneviève. Hein, sans doute à plus tard, on va sûrement tous être amenés à se recroiser. Est-ce que l'équipe soignante, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, du village Land Alzheimer, est en gros constituée de la même manière qu'un EHPAD classique? Donc on a bien sûr les professions essentielles, hein, aide-soignant, aide médico-psychologique. Mathilde Charon-Burnel. Mais on a aussi en plus, dans le panier de soins proposé par l'Agence régionale de la santé de Nouvelle-Aquitaine, d'autres professions plus spécifiques comme art-thérapeute, ergothérapeute, qui sont vraiment intégrées au projet de soins du village. Donc ça, c'est un petit plus. Infirmière aussi, vous avez... Oui, on a les 12 infirmiers, dont un infirmier de garde. Systématiquement la nuit. Ce qui n'est pas forcément généralisé à l'ensemble des voilà, EHPAD. Ce n'est pas systématisé dans les établissements médico-sociaux aujourd'hui. Ça fait partie aussi de l'expérimentation de tenter de voir comment certaines professions peuvent peut-être être plus systématiquement intégrées à des lieux d'accueil comme celui-là. Donc une autre spécificité au sein du village Land Alzheimer, c'est qu'on a 4 médecins au sein du village et 2 d'entre eux, les villageois et les familles sont d'accord, deviennent les médecins traitants des villageois. Donc ça, c'est pas quelque chose qui se fait habituellement en EHPAD. On garde son médecin traitant habituel à l'extérieur de l'établissement. Ici, c'est proposé comme ça, parce que finalement, ça rentre vraiment dans la partie expérimentation du projet. Parce que ça nous permet de pouvoir étudier des données médicales qui, sans l'accord du villageois ou de sa famille, on pourrait pas étudier, on pourrait pas les traiter, ces données, puisqu'elles sont... Elle relève du secret médical. Et pour l'instant, les familles, dans l'ensemble, ont été d'accord pour ça. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors là, on est au premier étage, juste au-dessus de l'accueil. D'un côté, il y a les locaux du personnel, l'administration. Et puis, de l'autre, le centre de ressources et de recherche. Hélène Amieva, vous êtes... professeur en psychogérontologie à l'Université de Bordeaux, et puis vous dirigez l'équipe INSERM qui mène actuellement une enquête au sein du village landais Alzheimer. Alors, selon quels critères vous allez évaluer ? Donc, un grand nombre d'indicateurs vont être recueillis concernant bien sûr la qualité de vie, la participation sociale, ça fait vraiment partie des leitmotivs en quelque sorte de ce projet, hein, que d'amener au maximum les personnes souffrant de maladie d'Alzheimer à conserver une vie sociale normale, mais également des indicateurs qui vont nous permettre de dire si les troubles du comportement qui sont associés à la maladie sont toujours présents, plus présents, moins présents, l'état de santé, bien sûr, l'état fonctionnel, c'est-à-dire les capacités à réaliser des actes de la vie quotidienne, et puis bien sûr d'autres indicateurs comme la consommation médicamenteuse ou les hospitalisations. Alors ça, c'est un certain nombre d'indicateurs qui vont être recueillis auprès des villageois, mais on s'intéresse aussi à d'autres effets potentiels pour les familles, par exemple. On sait combien mettre en institution un proche est douloureux pour une famille, qui a un sentiment de culpabilité très fort dans un certain nombre de familles qui les conduisent parfois à différer de plus en plus les visites en EHPAD. Hein. C'est tellement douloureux que finalement, on espace de plus en plus les visites. Là, justement, on s'attend à ce que ce ne soit pas le cas, puisque tout cet environnement est supposé être là pour maintenir une vie sociale, normale, auprès du résident et finalement auprès de tout ce qui l'entoure. Il y a d'autres indicateurs qui nous intéressent aussi concernant le personnel. Là aussi, on se demande si cet épuisement professionnel, cette qualité de vie au travail, ce turnover qui est très important en EHPAD, va moins se retrouver dans le village, là encore, du fait de cet environnement très soutenant. Voilà, donc on va vraiment brasser un grand nombre d'indicateurs et on ira même jusqu'à prendre des critères médico-économiques, puisque on ne peut pas ignorer que ce projet a un coût, bien sûr, d'investissement et de fonctionnement important. Et on a besoin d'évaluer le ratio coût-efficacité du point de vue tout simplement économique. Donc on aura une partie de l'étude qui sera menée par des économistes de la santé qui nous aideront un petit peu à quantifier tout ça. Donc on se donne 4 ans pour suivre les personnes et recueillir à mesure ces indicateurs. Et puis la dernière année pour réaliser les analyses et faire les différents rapports. Donc au total, un programme de 5 ans. Qu'est-ce qu'on se met ? Du piano ou une valse ? Ce que tu veux, hein. Choisissez. C'est à toi de choisir. Une valse ? Un passo. Oh là. Ah. Nathalie, vous êtes la coiffeuse des lieux. Vous avez un petit badge. Nathalie, artiste capillaire. Oh. Entre autres. Moi, j'ai eu un salon pendant 32 ans sur Mont-de-Marsan. Il y a déjà 10 ans que j'envisageais de donner cette dimension à mon métier. Et j'avais toujours dit que je finirais ma carrière avec différents publics. Alors, différents publics, c'est pas forcément le village Alzheimer, hein. Ça pouvait être les gens qui touchent le RSA. Qu'est-ce qu'ils font les gens qui sont RSA? La première chose, quand ils vont se présenter, ils sont coiffés. La coiffure, c'est pas que couper les cheveux. On travaille les 5 sens. Claudine était coiffeuse, donc elle va comprendre. Et quand j'ai vu la naissance du village Alzheimer, j'ai tout vendu. À Mont-de-Marsan, mon salon, mon immeuble. Et je suis arrivée ici. Pourquoi ça a du sens pour vous de transmettre à ces publics en difficulté? Parce que c'est l'intérieur de sa vie. Enfin, c'est de quoi je me mêle. Non, c'est très bien, Claudine, c'est très bien. Ah, Claudine, vous êtes une des résidentes ici, mais vous êtes une des villageoises. J'ai un ressenti comme ça, quoi. Donc, voilà. On a le plus beau métier du monde, hein, Claudine? Oui, oui. La coiffure. L'amour. Ouais. L'amour de son métier, l'amour des gens qu'on rencontre. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce qui se passe. Ne serait-ce qu'un shampoing, un massage du cuir chevelu, un morceau de musique, un massage des mains, les regarder, leur sourire. Prendre des photos de comment ils étaient coiffés avant, ou ce qu'ils souhaiteraient avoir. C'est une magie, franchement. C'est notre métier, c'est le plus beau métier du monde, hein, Claudine? Ah oui. Un grand merci à Nathalie Grégoire, l'architecte du village landais Alzheimer, Mathilde Charon-Burnel, sa chargée de communication, Tiffaine Chaton, la chef de projet, Daniel, Jacques, Geneviève, Louis, Colette, Claudine, Brigitte, Bernard, Dorothée, les villageois et leurs proches, Pascal et Sandra, maîtresses de maison, Nathalie Bonnet, la psychologue, Florence, responsable des bénévoles et de l'équipe d'animation, Frédéric et Nicole, bénévoles, Dimitri, chargée des activités physiques et adaptées, Hélène Amieva, directrice de l'équipe INSERM, et enfin Nathalie, la coiffeuse. C'était Un village Alzheimer, un documentaire de Jérôme Sandelars, réalisé par Anne Fleury et mixé par Delphine Baudet. Anciens, ancêtres, centenaires, doyennes, patriarches, vénérables, vieux fossiles ou vieilles ganaches, LSD, c'est tout pour cette semaine et c'était en partenariat avec le quotidien La Croix. Bibliographie, liens ou pour nous écouter dans les Landes, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonna Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret.